Chapitre 8e, où Fouinard tutoie Suzon. Voici ce qui s'était passé. C'était jour de visite à l'hôpital. Comme toujours, les visiteurs et surtout les visiteuses avaient afflué. À la porte, la surveillance exerçait surtout sur les poches des parents, qui trop souvent avaient la faiblesse, la bêtise, de les remplir de friandises, de bonbons plus ou moins vénéneux, dont ils bourraient les convalescents sans souci de leur causer une rechute. Les infirmières se tenaient dans les salles, veillant à ce qu'il ne fût pas commis de ces imprudences anti-hygiéniques, causant avec les mères, les renseignant sur la situation des petits, sur le temps probable de leur sortie. Tout s'était passé comme à l'ordinaire. Le petit Prouvot, dont les blessures commençaient à se cicatriser, était dans son lit au fond de la salle, on le plaignait de ne pas recevoir de visite. Pauvre gosse, n'était-il pas orphelin, et dans quelles conditions tragiques? Alors des mères quittaient parfois le lit de leurs propres enfants pour aller lui dire un petit bonjour. Mais les conversations ne pouvaient être bien longues, le petit étant dans l'impossibilité de parler à cause de la blessure qui lui avait coupé la lèvre. Naturellement, dans cette affluence de mères et de pères, qui souvent même étaient accompagnés des frères et des sœurs des petits malades, il y avait autour des lits un certain désordre qui nuisait à la surveillance. Une femme était entrée, la tête couverte d'une sorte de cape qui jetait une ombre sur son visage. Elle portait un enfant dans ses bras. Elle traversa la salle, s'arrêta à un lit d'enfant et parut lui parler. Puis elle passa à un autre, puis à un autre, se rapprochant peu à peu du fond où se trouvait celui du petit Prouvot. Elle était toute de noir vêtue et rien en elle ne pouvait attirer l'attention. Ce qu'on redoutait, ce qui avait fait l'objet des recommandations de la direction, c'était un acte de violence possible. Dans ce va-et-vient, où il semblait que les visiteurs se surveillassent les uns les autres, il n'était pas à présumer qu'une tentative criminelle pût se produire. La femme mystérieuse avait fini par atteindre le lit du petit Prouvot, et d'un geste très naturel, elle s'était penchée sur lui pour l'embrasser. Même il semblait qu'elle lui eût parlé. On l'avait vu se redresser, portant toujours sur ses bras son enfant enveloppé de linge. Puis, d'un pas lent, sans aucune hâte, elle avait de nouveau traversé la salle et était sortie. Il y a des intuitions singulières. Une des infirmières, tout à coup, éprouva comme un coup au cœur. Et l'idée du petit Prouvot se présentant à son esprit, elle se dirigea vers son lit. Le petit était couché sur le côté comme s'il dormait. Elle hésita d'abord à le déranger, mais une inquiétude vague, inexplicable, l'engagea à faire le geste. Elle passa son bras sous le cou de l'enfant, le souleva et poussa un cri terrible. À la place du malheureux orphelin, il n'y avait plus qu'un paquet de linge. L'enfant avait été enlevé. Par qui, sinon par cette femme qui était entrée et ressortie de son pas de fantôme? L'alerte était donnée. Les infirmières se lancèrent dans l'escalier à la poursuite de la misérable qui avait tout au plus 2 ou 3 minutes d'avance. On avait crié de fermer les portes. Elle devait avoir été prise au piège. Mais non, il était trop tard. La femme avait franchi la salle d'admission et était sortie, tranquillement, sans que personne songeât à la retenir. Et pourquoi cette idée serait-elle venue? On courut dehors, pendant qu'un agent de la Sûreté Générale, qui était en permanence pour la surveillance du petit Prouvot, téléphonait au ministère de l'Intérieur. Dans la rue de Sèvres, assez déserte à cet endroit, on n'apercevait rien. Un boutiquier d'en face dit qu'il avait vu une femme courir du côté du boulevard Pasteur et qu'une autre femme la poursuivait. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Et quel rapport cet incident avait-il avec le rapt de l'orphelin? Cependant, les infirmiers coururent dans la direction indiquée, mais quand ils arrivèrent au carrefour, ils ne virent aucune trace des deux femmes. C'était peut-être dans la direction contraire que la voleuse d'enfants s'était enfuie. Quoi qu'il en fût, la piste était bien perdue. L'émoi était à son comble dans l'hôpital. Non seulement le sentiment de pitié pour l'enfant y avait grande part, mais ce qui surtout poussait le trouble à son comble, c'était la responsabilité qui pesait sur tous. Pour le directeur, c'était la destitution certaine, et les infirmières de la salle pouvaient s'attendre à un renvoi général. Tout le monde parlait à la fois. L'agent de la Sûreté Générale était tous pieds de la pire façon. Et les minutes passaient. Un quart d'heure s'était déjà écoulé sans qu'on se fût mis d'accord sur les mesures à prendre. Et quelle mesure ? Seule la police pouvait agir. On téléphonait de tous les côtés. C'était comme un cri de détresse. Tout à coup, on vit une automobile arriver à fond de train, s'arrêter presque instantanément et un homme sauter à terre. « Toto Fouinard ! » Un cri jaillit de toutes les poitrines. Lui, c'était le sauveur attendu. On se jetait vers lui, on l'entourait. Mais Fouinard n'avait fait que toucher terre et d'un bond était remonté dans l'automobile, criant « Watman, à toute vitesse, devant vous, jusqu'à ce que je vous arrête !» Et le véhicule démarra, remontant la rue de Sèvres dans la direction du boulevard Pasteur. Les autres étaient restés interdits. Qu'est-ce que tout cela signifiait ? Pourquoi Fouinard repartait-il sans avoir questionné personne ? Et pourquoi allait-il de ce côté où déjà les recherches n'avaient pas abouti ? L'automobile marchait toujours. Fouinard était penché hors de la voiture, presque à mi-corps, au risque d'être précipité. Il tenait son regard obstinément fixé à terre et de temps en temps il disait au Watman « Allez, allez toujours !» Ils avaient franchi la rue de Cambronne, la rue Jabel. À ce moment, une pluie torrentielle, qui menaçait depuis plus d'une heure, se déchaîna tout à coup, une véritable trombe d'eau qui claquait sur le pavé, rebondissait, obscurcissait l'air. Fouinard, très pâle, la tête hors de la voiture, regardait toujours le sol. « Sacrée pluie » cria-t-il, « es-tu donc complice de l'assassin ? Allez, allez toujours !» Les roues de l'auto clapotaient, lançant en l'air des gerbes de boue. « Plus rien, plus rien !» grondait Toto, « j'ai bien peur que cette fois-ci ma chance ne m'abandonne !»« Fouinard ! Fouinard !» cria une voix aiguë, et une forme toute mincelette, toute ruisselante d'eau, accourut vers l'auto. « Suzon !» clama Fouinard. « Ah, la brave fille, stop !» Le Watman freina. Suzon, c'était bien elle, les cheveux défaits, les vêtements en éponge. Elle s'élança sur le marchepied. Allez, allez toujours, monsieur Toto, on arrivera. Elle était haletante, cherchant en vain à reprendre sa respiration. Ce n'était pas le moment d'échanger des explications. En avant, dit Toto au Watman, et la voiture repartit. Suzon se remettait. Ah, que je suis contente de vous voir enfin, comme je vous attendais. « Si vous saviez comme j'ai couru. Il est monté dans le tramway en portant l'enfant et il n'y avait plus de place. J'ai couru, couru, jusqu'à ce que je tombe. Ah, je n'en puis plus. » La pauvre fille était épuisée à ce point qu'elle semblait sur le point de se trouver mal. Mais elle se redressa, disant « Ah, mais non, pas de bêtises. Ce n'est pas le moment de faire la carpe. Tenez, voilà qu'on aperçoit le tram tout au bout. Mais on ne marche pas. » Dire un Watman qui roule à 80 à l'heure qu'il ne marche pas, c'est la pire des injures. Le tramway était encore à 100 mètres, il touchait au boulevard Victor et allait tourner vers la porte d'ici, quand soudain il s'arrêta et un homme en descendit, portant un enfant dans ses bras. En sa course, le misérable s'était débarrassé de sa jupe, et à travers la pluie cinglante, il se mit à courir vers les fortifications. Le Watman, que l'exclamation de Suzon avait blessé au vif, franchit les 100 mètres d'un bond. « Stop !» cria Fouinard. « Alors, cet homme-là, c'est l'assassin du boulevard Bourdon. » Fouinard avait bondi dans la boue et de toute la vitesse de ses jambes courait après le bandit dont la silhouette noire apparaissait, fantastique, à travers les tourbillons déchaînés. Il avait une vingtaine de mètres d'avance. Il se dirigeait droit vers les fortifications. Il en gravit la crête. Et là, Fouinard le vit lever les bras en l'air et balancer le frêle fardeau pour le précipiter. Il l'atteignit d'un bond formidable, mais il était trop tard. Au moment même où Fouinard l'avait saisi au collet par derrière, l'attirant à lui, l'enfant était lancé dans le fossé. Fouinard lâcha l'homme et se précipita à son tour, glissant sur la déclivité avec toute sa souplesse d'acrobate, et si vite qu'il dépassa l'enfant dont le corps roulait et qu'eût été brisé s'il était tombé jusqu'au fond. Et Toto, s'arrêtant brusquement dans un raidissement de tous ses muscles, happa au passage le malheureux petit corps inerte, mais vivant. « Toto, Toto !» criait Suzon affolée qui avait essayé de saisir l'homme au passage et qui avait été renversé d'un coup de poing en plein visage. « Voilà, voilà !» répondit Fouinard. « Ah, pas peur, je rapplique, j'ai le gosse !» L'effort qu'il avait dû faire pour s'arrêter sur la pente à laquelle il s'abandonnait avait été si violent que maintenant, ayant trouvé une touffe de broussailles où appuyer ses pieds, il se tenait immobile, ayant dans ses bras l'enfant qui gémissait doucement, musique douloureuse qui ravissait Toto puisqu'elle prouvait la vie. Il s'agissait de remonter, travail plus difficile encore que de se précipiter. Et Toto n'avait pas les mains libres et il avait peur de tomber à cause de l'enfant. Mais il savait que les gamins, qui prennent leurs ébats sur les fortifications, tracent des sentiers dans l'herbe folle. Il chercha, tâta, trouva et remonta. La pauvre Susan était à bout de force. Elle cherchait à se relever et n'y pouvait parvenir sans aide. Mais Fouinard, tenant l'enfant d'un bras, la remit sur ses pieds. « Pas tué, pas blessé ? » demanda-t-il. « Simplement démoli, ça se rattrape. »« Ah, vous avez l'enfant ! » fit-elle en lui sautant au cou. « Ma petite Susan, » dit Fouinard, « pas le moment de nous émouvoir. Il faut agir, et j'ai encore à faire. Prends le moutard. Je ne sais pas exactement où il en est, mais il gigote beaucoup. C'est bon signe. Je vais te mettre, je te tutoie, je suis trop agité pour dire vous, dans l'auto, et tu vas filer tout de suite, du sang à l'heure, chez le préfet. Tu entreras, tu n'as qu'à dire mon nom, et on soignera le marmot. Mais vous, monsieur Toto, moi, ma chère, j'ai affaire par ici. Prenez garde. Vous allez vous faire tuer. Ah ouais? Est-ce qu'on tue Toto comme ça? Vois-tu, ma petite, il faut en finir. J'ai mon idée, et elle est bonne. Allons, oust, avec le gosse. Ils allèrent vers l'auto préfectoral qui attendait. Il y avait une accalmie de la pluie. À propos, fit Fouinard en installant Susan, tu raconteras à monsieur Larose ce qui s'est passé à la porte de l'hôpital. Comment, sur l'avis qu'il t'avait fait porter lui-même de ma part, tu faisais la faction rue de Sèvres? À propos, comment tu reconnus le bandit qui emportait l'enfant? J'ai vu passer une femme avec une cape. Elle avait l'enfant serré contre elle. La cape s'est écartée. Et j'ai vu que c'était une face très brune, avec la trace visible d'une barbe qu'on avait rasée. Et puis les cheveux d'un noir bleu. On a crié de l'hôpital. L'enfant a été enlevé. Mon sang n'a fait qu'un tour. Et comme à quelques pas de l'hôpital, la femme, ou plutôt l'homme, car c'est là qu'il a lâché sa jupe, s'est mis à courir. Je me suis dit que ça devait être notre bandit, et j'ai couru derrière lui pour savoir où il allait. Et tu as fait comme je l'avais dit. Tu avais pris de la farine dans ta poche. J'en saupoudrais le chemin à mesure que je courais. Et moi, j'ai pu suivre ainsi ta trace. Écoute, tu t'es conduite là-dedans comme un ange. Je ne sais pas comment, mais je te revaudrai ça. Oh, si ce brigand-là n'avait pas pris le tramway, si ces plus maudites n'étaient pas arrivées. Si, si, si. Ma petite Susan, avec les si on refait toute l'histoire. Ne nous perdons pas dans les feux de fil. Le gosse doit être pressé de retrouver un dodo. Va chez le préfet. Mais vous, monsieur Fouinard, ça me fait gros cœur de vous laisser ici. Si ce brigand-là vous assassinait. Dis donc pas de bêtises. On n'assassine pas Fouinard. Whatman, vous vous êtes conduit en héros. Voilà 20 francs pour vous. Et retournez chez monsieur le préfet. C'est entendu? Oui, patron. Et à bonne allure, je vous prie de le croire. Au revoir, monsieur Fouinard. Au revoir, petite Susan. Et l'auto enfila à toute vitesse la rue Lecourbe, route de Paris.